Cry suprême. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Bonjour, c'est Pierre Bélanger, le boss de Skyrock. Bonne année Skyrock à tous, à l'écoute de votre radio. Salut, c'est Laurent Bouneau. Bonne année à tous, bonne année 2016, plus forte, plus grande, plus belle. Salut, c'est toute l'équipe du Morning. Salut, salut, salut tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on vous souhaite à tous une bonne année. Bonne année. Salut, c'est Romano, je vous souhaite à tous Salut, c'est Romano, je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. Salut, c'est Cariole du Morning. Salut à tous, c'est Karim Boubou du Morning. Salut, c'est Rémi du Morning. Bonne année. Bah, bonne année. À tous et à toutes une très très bonne année. C'est Cédric le Belge, 2016, c'est parti. Salut, c'est Karim de la Radio Libre. Bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Sana Saïda. Plein de kiff à vous. Et surtout la famille. Coucou tout le monde, c'est la Marie. Bah, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour cette nouvelle année. Je vous embrasse. Salut, c'est Fred. Je vous souhaite une excellente année 2016. Meilleure que celle de 2015 et qu'on soit tous ensemble. C'est Aymeric, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année 2016. Salut, c'est Mehdi, je vous souhaite une bonne année 2016 à vous toutes, vous tous. Bonne année, bonne année. Et puis la santé, évidemment, c'est la base. Salut, c'est Momo, je vous souhaite à tous Ouais, c'est Maxime, l'animateur du week-end. Je vous souhaite une très bonne année 2016. Salut à tous, c'est Samy le Marseillais. Que du bon pour 2016 et allez l'OM. Hey, c'est Manu, la voix de... Salut, c'est Manu, c'est la voix de Sky. Je vous souhaite à tous une super bonne année. Dédicace à tout le monde, c'est Stéphane. Ça y est, c'est parti pour 2016, une nouvelle année qui va tout déchirer. Yeah, yo les potos, c'est Vincent. Je vous souhaite à tous une putain d'année avec le son de Skyrock. Salut, c'est Priska. Bonne année 2016 à tous sur Skyrock. Je vous souhaite le meilleur, soyez heureux et on se retrouve vite sur l'antenne. Happy New Year. Bonne année, bonne année. L'équipe de Skyrock te souhaite une super année 2016. Salut tout le monde, c'est DJ Case. Voilà, je vous souhaite à tous une très très très bonne année. Bonne santé à tout le monde. Retrouvez-moi comme ça tous les dimanches, Rail Suprême, minuit, 2h, et on va s'éclater. Bonne année à tous, je vous embrasse. Big up. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Fais pas la tasse dans le classe. Alors Pepito, tu nous sors le couteau. Alors Pepito, tu fais le gros mais ton père roule en punto. Pour les vrais pas les brutos. J'suis en mode Azonto. J'mets la vodka dans le pulco. Sushi pas sous coke. C'est ma chérie coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon poteau. J'traîne dans la zone ou au coquet. Odo, j'te charge en moto. J'te baisse d'après ma poule, j'te mets des claques. Odo, Kodo, Kodo. J'te charge en moto. J'te baisse d'après ma poule, j'te mets des claques. Odo, Kodo. Tu partages mes sangs gros. Merci. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais le zindoul. Merci. Tu portes mes t-shirts. Merci. Alcool et gadi. Merci. Location de bouteilles. Merci. Chansons moi sont gratuites. Merci. Benjamin Mendé. Merci. J'attire les ennuis. J'attire les photos. Rien à faire, on s'ennuie. Mais faut dire Dieu merci. Alors Bambino, tu veux rouler sans guidon? Lâche pas là où t'as papier. Reprends ton biberon. J'vis même plus à la playa. J'reste dans mon lit, je plane. T'es mac, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les panales. J'vis même plus à la playa. J'reste dans mon lit, je plane. T'es mac, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. Mais qu'est-ce qui se passe?

Salut tout le monde, c'est DJ Case. Bonne année 2016. تمنيت نعيش معك غير انتي. عايشه عايشة والقلب انشق C'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. J'ai comme l'impression d'avoir fumé un choc. Je manque la studio si t'es pas content. Quand je manquais d'elle, c'est devenu un choc. Tu l'as carotté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, prends tes max, on démarre. Dédicace, quartier sud, quartier nord. Tu veux me connaître, je suis le ying et le yang. Mais fais le moonwalk, tu veux pas que ça fasse bang. A tes côtés, tu fais partie d'un gang. Mais tu descends pas en promenade, t'as peur qu'on te tangue. JK sur Skyrock. Je vous le dis, sur Skyrock. Yeah. avec Fred et DJ K sur Skyrock. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze, bonne année 2016. Dimanche soir, DJ Kaze te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. I know what I, the things within my life. When I see you dancing, can you get me down?

I think I'm Big Meech. Huh? Whipping work. One nation. Real niggas getting money from the. Rai Suprême. Minuit, 2h. DJ Kaze t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. We never be in Cali, do the reason. Everybody hands go up. Hey, showtime. And they stay there. And they stay there. C'est la guerre, guerre. Tu peux me retrouver à l'after. J'm'en bats les reins du game, game. J'suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. J'vais te faire planer même sans pilon. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. Take a phone and the ID. Can't post me on IG. Know them thoughts, they be creeping. Try to catch a selfie while I'm sleeping. Go too far, you need a passport. See them shots coming, got a glass court. Thoughts try to camcord. That's a long shot, I'm shooting from half court. Soon as the bottles start coming out, she come running to my couch. She'll eat your ass. Never trust a big butt and a smile. You can't trust hots. Soon as the liquor start running out, she'll be creeping to another couch. She'll eat your ass. Never trust a big butt and a smile. Rail Suprême. Minuit, 2h. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Who am I? Who am I, lady? Hey, just a lot of my girl. Last night the DJ saved my life. Uh oh. Last night the DJ saved my life. Uh oh. Last night the DJ saved my baby. Uh oh. From the mud, drinking blood, that's right. Uh oh. Baby, I'ma love you for the night. Uh oh. My boyfriend ain't talking about her. She told me don't get an intro. She was sneaking through the back door. She came and see me in a bando. 100 on a chain, 30 on a watch. She want a dope boy that'll take her to the top. She wanna get bored by a nigga in the nighttime. She gon' let me lick the booty when the lights down. Baby, you need to fuck with a real nigga. Stop wasting your time with them fuck niggas. Yeah, baby. If you let me lick it, I'ma kiss it, I'ma stick it all in like. Yeah, baby. Whoa, yeah, baby. Have you ever been? Laying down on the block, bustin' juice. Who came full of drug dealers, drug dealers? 17:38, my club, yeah, niggas know I'm drunk, nigga. Drunk, nigga. When I'm Rice Rice Rice Suprême, minuit, 2h, avec Fred et DJ Kaze sur Skyrock. En 2015, le morning de default.